merci d'être fidèle à la première. C'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, les esclaves. Même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. Du muet au lix, une révolte en ligne pointillée. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus. Elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile. Et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux. Dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Tuez les Romains ! Tuez les tous ! On a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. Mesdames, messieurs, il s'agit de conceptualiser par simple curiosité d'ordre ethnographique ou sociologique, l'histoire d'un vieil empire dont les décombres principaux ont pour nom le Digeste ou ce Dante en deux personnes que furent Lucrèce et Virgile. Il y a une poésie de l'éloignement. Rien n'est plus loin de nous que cette antique civilisation. Elle est exotique, que dis-je, elle est abolie. Et les objets que ramènent nos fouilles sont aussi surprenants que des aérolithes. Le peu qui est passé en nous de l'héritage de Rome est en nous à des doses combien diluées et au prix de quelle réinterprétation. Entre les Romains et nous, un abîme a été creusé par le christianisme, par la philosophie allemande, par les révolutions technologiques, scientifiques et économiques, par tout ce qui constitue notre civilisation. Et c'est pourquoi l'histoire romaine est intéressante. Elle nous fait sortir de nous-mêmes et nous oblige à expliciter les différences qui nous séparent d'elle. Une civilisation moins éloignée de la nôtre n'aurait pas cette vertu. Nous aurions avec elle un langage commun, si bien que la plus grande partie de ce que l'historien aurait à dire pourrait aller sans dire. L'historiographie pourrait alors s'attarder plus longtemps dans la pénombre où flotte ce qui n'est que vaguement conçu. Paul Venn, extrait de la leçon inaugurale à la chaire d'histoire romaine du Collège de France, leçon intitulée « Qu'est-ce que faire de l'histoire romaine ?» Qu'est-ce qu'un esclave ? Bien que l'esclavage constitue, au même titre que la citoyenneté, la réalité sociale la plus caractéristique de l'Antiquité, sa définition ne va pas de soi. En quoi l'esclavage se différencie-t-il en effet de ces autres formes de domination de l'homme sur l'homme que l'on préfère souvent appeler dépendance ou servage ? L'esclavage n'est pas une institution éternelle des sociétés humaines. Il a été complètement inconnu de certaines sociétés. Les anciens en avaient parfaitement conscience, notamment les Grecs, qui considéraient cette absence d'esclaves comme une curiosité. C'est ainsi que Diodore de Sicile écrit « Parmi quelques coutumes étranges en vigueur chez les Indiens, on peut considérer que la plus étonnante est celle introduite autrefois par les sages du pays. La législation veut en effet que parmi eux, personne ne soit esclave, sans exception, et qui vive en homme libre, dans le respect de l'égalité pour tous. » Fin de citation. Même en Grèce, l'esclavage n'a pas toujours existé au dire des anciens. Selon Hérodote, à l'époque des Pélages, qui passaient pour être les premiers habitants de la Grèce, les Athéniens, tout comme les autres Grecs, n'avaient pas encore de domestiques. Un auteur comique, contemporain d'Aristophane, au 5e siècle avant Jésus-Christ, affirme « En ce temps-là, personne n'avait d'esclaves, mais les femmes devaient s'imposer tout le travail de la maison. » Ce discours n'avait toutefois rien d'historique au sens où nous entendons ce mot, car les Grecs se situent à cette époque dans un passé tellement éloigné que l'esclavage apparaissait alors comme contemporain du progrès et de la civilisation. Il en était de même à Rome. Certains textes, de façon caractéristique, attribuent l'institution de l'esclavage au fondateur de la cité, Romulus. Ces lignes sont extraites de L'esclavage de Jean Andraud et Raymond Descas, paru chez Hachette. Après le péplum, évoqué hier, deuxième épisode intitulé « Statues et révoltes dans les sociétés romaines » en compagnie d'un expert en la matière qui se présente à vous. Alors, je m'appelle Éric Dars, je suis un enseignant d'histoire, j'enseigne l'histoire et la géographie. Déjà en lycée, en terminale et en première, et puis j'enseigne aussi à l'université de Nîmes, et j'enseigne l'histoire ancienne, notamment la vie quotidienne à Rome, qui couvre une période en fait du 1er siècle avant à 1er siècle après. Quand vous dites, Éric Dars, que vous vous occupez de la vie quotidienne à Rome, de ce que j'ai pu comprendre, mais vous allez m'éclairer, du nombre de Roms qu'il y a dans le mot Rome, on peut imaginer que ce n'est pas une vie quotidienne, mais ce sont quantités de vies quotidiennes. Alors, tout à fait. Je pense qu'il y a autant de Roms qu'il y a d'historiens. Il y a la Rome de chacun, en fait. Oui, c'est très très compliqué. En fait, enseigner l'histoire de la vie quotidienne à Rome, c'est forcément faire, alors non pas des raccourcis, mais faire des schémas. Il faut essayer de simplifier, parce que de toute façon, même si on parle de l'esclavage, si on parle de l'économie, il y a autant d'esclavage et d'économie qu'il y a de lieux dans l'Empire, déjà. Et puis même l'esclavage, tout comme pour le reste d'ailleurs, l'esclavage de, on va dire, la période archaïque romaine et l'esclavage de la fin de l'Empire, ce n'est pas le même. Hein, il y a déjà une durée, un laps de temps qui est considérable, et il y a un territoire qui est vaste, puisque c'est 11 fois la France, c'est plus grand que l'Union européenne actuelle. Donc de toute façon, il y a aussi des, on va dire, des, si j'ose dire, des spécialités locales qui vont s'appliquer entre la Grèce, par exemple, et l'Italie, et même la Gaule. Quand vous dites ça, Éric Dars, on entend, on comprend, corrigez-nous, qu'il y a métissage, qu'il y a infusion, qu'il y a croisement, ou bien a-t-on affaire véritablement à un centre qui impose avant tout à l'extérieur ses propres codes, ses propres règles? Je vous sens opiné et je sens que c'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. C'est vraiment... En fait, vous êtes entre les deux. Il y a effectivement un centre. Ce centre, c'est Rome. Qui donne le là, en théorie, qui donne véritablement l'accord. On cherche d'ailleurs à faire romain. On cherche à copier Rome. Ça, c'est sûr. Dans quoi? À peu près tout. Les aqueducs. Un aqueduc, ça fait romain. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un classique. Un amphithéâtre, ça fait romain. De toute façon, très honnêtement, si on prend des traces archéologiques, on va dire d'édifices, purement romain, il n'y en a que trois. La route, l'aqueduc, l'amphithéâtre. Tout le reste, alors, évidemment, avec brio, avec génie, et ça les Romains savent très bien faire, c'est quelque chose dont ils se sont inspirés, qu'ils ont transformé à leur sauce, à leur propre identité, à leur propre culture. Mais le mouvement vraiment romain, c'est l'aqueduc, c'est l'amphithéâtre. Vous ne pouvez pas trouver autre chose de plus romain que ça. Éric Dars, est-ce que l'on peut essayer de, puisqu'il y a différentes Roms dans cette antiquité, lointaine puis tardive, essayer de comprendre ce qui va changer sur le plan des rapports sociaux, en sachant que sans doute, et je ne sais pas si le terme est exact, la société de caste subsiste, ou disons de catégorie, peut-être le mot sera plus mieux adapté, est-ce que ces catégories restent à l'identique ou ces catégories elles-mêmes connaissent-elles une évolution? Et si oui, quelles sont ces évolutions? Oula, vaste question. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas du tout une société de caste. La société romaine, par excellence, c'est un ascenseur social. Alors effectivement, il va y avoir des ordres. Des ordres, d'ailleurs, qui ont été mis en place par Auguste. Il va y avoir, on pourrait dire, des classes, même si c'est assez inapproprié en termes sémantiques. Mais ce ne sont pas, on va dire, des groupes qui sont totalement hermétiques l'un à l'autre. Et quand j'entends cela, j'entends à la fois le plébéien, qui est le plébéien de base, qui est le citoyen romain, l'ingénu, le chevalier, qui est déjà, on va dire, le romain d'un niveau social plus élevé, il faut au moins 100 000 sesterces, et puis après, le sénateur. Ou même les plébéiens, les patriciens, et entendre un autre groupe qui peut s'intermélanger, s'interpénétrer. Et si on prend l'esclave, qui peut devenir affranchi, cet affranchi peut avoir un enfant qui devient empereur de Rome. On a le cas avec un certain Elvius Pertinax, qui est fils d'affranchi et qui est empereur de Rome. Donc, si vous voulez, l'ascenseur social fonctionne. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que les groupes disparaissent pour autant. Mais on ne peut pas parler de caste. Quand vous prenez l'exemple de cet homme qui vaut 100 000 sesterces, que comprendre de cette image-là? Et les hommes valent-ils, selon l'endroit où il se trouve, j'entends l'endroit social, un certain nombre de sesterces allant, selon qu'on le souhaite, croissant ou décroissant? Oula, alors, c'est la fortune de l'individu qui est comptabilisée. Hein. Cette fortune, elle peut être estimée, bien sûr, en bien mobilier, comme en bien immobilier et en terre. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est surtout de l'immobilier plus que du mobilier. Même si, à l'inverse des Grecs, en tout cas d'Athènes, puisqu'on compare souvent Rome à Athènes, les Romains, une fortune de 100 000 sesterces, c'est une fortune de 100 000 sesterces, que ça soit en monnaie sonnante et trébuchante ou en immeuble. Hein, donc, la part, même si elle est forcément là, puisque c'est un peuple de cultivateurs, la part de la terre est forcément toujours prégnante. D'ailleurs, il y a eu suffisamment de crises agraires à Rome pour s'en rappeler. Nous allons nous intéresser cette semaine, Éric Darce, et vous allez nous y aider à comprendre l'esclave ou les esclaves dans les Roms de cette antiquité, en sachant qu'il faut situer sa ou ses places dans la société romaine. Et on va venir après à ces histoires de révolte. Mais commençons peut-être un peu par le commencement. Que faut-il d'abord découvrir? Des catégories, plusieurs sortes d'esclaves qui ont les uns et les autres leurs fonctions. Doit-on penser à un territoire d'abord horizontal, mais quand même aussi avec des reliefs hiérarchiques, si l'on ose dire? Comment on peut présenter ça? L'image, l'allégorie d'un paysage horizontal mais avec des reliefs est assez pertinent, puisqu'en fait même si le relief est plat en fonction du lieu, ça va quand même changer. On va avoir des marais quelque part, des forêts de l'autre, donc cette image est assez bonne pour en fait décrire le monde servile romain. En plus, et ça j'y tiens, il faut rajouter la composante du temps, quoi, parce que les premiers esclaves romains ne sont pas ceux du 2e siècle avant Jésus-Christ, et ils ne seront certainement pas ceux du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc il y a véritablement une différence. D'abord parce que même si le statut en soi ne change quasiment jamais, même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. D'accord. Si on prend ces varons, je crois, il dit que c'est un outil doué de la parole. On est bien donc un outil. Voilà. Il sert en fait à quelque chose, comme une pioche sert à quelque chose, et bien l'esclave sert à quelque chose. C'est un servus. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va dire, sa part d'humanisation va évoluer au sein de l'Empire, enfin d'abord de la Rome historique, puis de l'Empire. Alors évidemment, la plus grosse évolution va apparaître avec l'Empire. Notamment, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'Antonin interdit le fait de tuer son esclave sans de bonnes raisons. Adrien interdit tout simplement le pouvoir, on va dire, de mort sur l'esclave par le maître, comme cela dit directement. Et puis alors, bon, après, il y a effectivement certainement la part du christianisme. Constantin considère de toute façon que tuer un esclave, c'est un homicide. Donc vous voyez que il y a une progression lente et législative. Oui, ça passe par les lex, par les rogatio, ça c'est clair. D'ailleurs, pour mettre une petite anecdote, on va dire que le statut de la femme s'améliore en parallèle à celui de l'esclave, hein, en fait, à Rome. C'est fréquemment, oui, parce qu'en fait, s'il y a un mineur d'un côté et quelqu'un qui n'a pas du tout la capacité d'être humain de l'autre, donc bon, il ne faut pas faire de rapport sur l'esclavage féminin, mais quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la situation de l'esclave à Rome a suivi une sorte de courbe, finalement, une sorte de graphique. C'est-à-dire que au début de la création de Rome, le servage existait, mais selon les sources et selon les spécialistes de l'époque, il y avait un voire deux esclaves dans la famille, et ces esclaves étaient qu'on faisait partie de la famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la population des esclaves, on l'appelle la familia, au même titre que tous les gens qui habitent la maison. En fait, la familia, c'est les gens qui habitent la maison et qui sont sous la, bien sûr, la protection ou la domination d'un dominant. Donc, le seigneur dominum, mais vous savez, le père, la pater potestas. Bon, et à l'époque donc archaïque, ces esclaves mangent à la table de leur maître et très souvent même le maître préfère confier les tâches difficiles. Et on va dire, quand je dis difficile, pas difficile au niveau physique, mais fine, ayant des responsabilités, souvent à leurs esclaves, auxquels ils font confiance, plus qu'à leurs propres enfants. Et donc, le sort de l'esclave à ce moment-là est, on va dire, ça reste quand même, il reste comme une propriété, hein, on ne va pas faire d'angélisme. Mais très souvent, ce sont des gens qui sont affranchis par testament, très rapidement. Donc, c'est une situation qui est relative... si vous me permettez cette expression, qui est relativement aisée à vivre. Là, fixez-nous la période de ça. La période archaïque, on va dire grosso modo, et puis les périodes de la République. Les choses changent avec les conquêtes, en fait. À partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, ça commence à tourner au vinaigre. Parce que les conquêtes amènent des captifs. Ces captifs, eh bien, vont être tout de suite, bien sûr, utilisés. Alors, soit, eh bien, pour le plaisir du maître, dans ce qu'on appelle la familia urbana, mais surtout dans les familia rustica, c'est-à-dire que ils vont être utilisés à la campagne. Et à ce moment-là, voilà, les choses commencent à déraper. On va dire l'économie servile de Rome, qui d'ailleurs va faire la force de Rome, commence à ce moment-là. Alors, pardon pour cette question anachronique, mais on pourrait flairer là de substantiels relents ratios. Est-ce que ça compte, cette part-là? Est-ce que selon l'extension de l'Empire, ce qu'on va aller chercher de plus en plus loin et qui nous ressemble de moins en moins, par la couleur de peau, par les cheveux, par etc., ça peut peser, ça? Alors, si votre question dire est-ce qu'il y avait des racistes ou des gens méprisants culturellement d'un autre sous l'Empire romain, il y en avait certainement, comme il y en a aujourd'hui. L'être humain reste ce qu'il est. Cela dit, culturellement, politiquement, juridiquement, sociétalement, le Romain n'a pas cette vision-là. Alors, ce qui est important pour le Romain, et ça c'est clair, et puis ça, vraiment, je crois qu'ils ne céderont jamais là-dessus, c'est la soumission à la loi de Rome. Est-ce que vous êtes soumis à la loi de Rome ou pas? Si vous êtes soumis à la loi de Rome, tout va bien. Si vous n'y êtes pas soumis, ça va devenir difficile. On est chez des païens, on est chez des paganistes, des polythéistes. Effectivement, il y a bien un culte officiel qui est un culte, on va dire, d'État, mais c'est un culte, on va dire, même pratiquement dédoué de spiritualité. C'est une forme de soumission à l'État lui-même. C'est le culte à la famille impériale, voilà, c'est à des grandes figures tutélaires de la Rome antique, mais d'ailleurs on ne demande pas aux gens qui sont là de croire à ce qu'ils font. La véritable spiritualité des Romains, d'ailleurs on la connaît pas, c'est celle qui est dans la famille, celle officielle. Les Romains, et on a plein d'exemples, ils le font parce qu'ils sont superstitieux, ça oui, ils y croient, ça moins. Mais non, on peut pas dire qu'il n'y a pas un relent raciste dans l'Empire. Alors ça, c'est totalement... Trajan est d'origine espagnole, Antonin est d'origine gauloise, Elvius Pernigax est un gaulois, Pescennus Niger, ils en appellent Niger parce qu'il est vraiment la partie sud de la Méditerranée, Philippe l'Arabe. On peut prendre un nombre incroyable d'empereurs qui ont des origines beaucoup plus éloignées de l'Italicum, hein. Thank you. Alors, il faut que vous m'éclairiez, Eric Dars, parce que d'un côté, on a l'impression que quand on remonte loin, l'esclave pourrait être à notre table, et puis sans doute, il n'aurait peut-être pas le droit de répondre aux questions que je lui poserais, mais enfin, voilà, il aura au moins le droit d'être assis pour les écouter. Et il faut qu'il y ait de la loi qui arrive par le biais de l'empereur pour que des substantifiques espaces de liberté, ou enfin des choses, enfin liberté évidemment est un bien grand mot, voilà, il y a des petits échelons qui s'améliorent et se franchissent, et en même temps, paradoxe absolu, on va déboucher sur des révoltes, je n'y comprends plus rien. Alors, parce qu'il y a, alors déjà, dans le groupe esclave, on va déjà pouvoir scinder deux groupes. Il y a la familia urbana et la familia rustica. La familia urbana, elle vit en ville. Et comme elle vit en ville, à 99 fois sur 100, hein, c'est une statistique, on va dire, très grossière d'époque, eh bien, ils vivent auprès du maître. Et donc, le maître connaît ses esclaves. Il les connaît. Il connaît leur visage, il connaît leur nom. Et en plus, comme ils sont justement souvent dans la familia urbana, la plupart, même s'il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle les pueri delicati, c'est-à-dire les enfants dédiés au sexe, qui bien évidemment existaient aussi à ce moment-là, ce sont bien sûr pratiquement tous des esclaves à talent. Quel que soit ce talent. Ça peut être cuisinier, ça peut être une couturière, ça peut être une fleuriste. Et ces esclaves à talent peuvent être... Fellation ou couture. Oui, voilà. Exactement. Et les deux à la fois parfois. Ces esclaves peuvent habiter dans le bâtiment du seigneur, du maître, mais également habiter à l'extérieur, dans un propre logement prêté par leur propriétaire pour faire soit la boucherie, pour faire barbier, et donc générer de l'argent, cet argent qui pour une partie va revenir dans les mains du maître, et une partie être conservée par l'esclave, qui va ainsi former son pécoule, péculus en fait, son petit, son bas de laine, qui va lui permettre, et très souvent, de se racheter. Donc ces gens-là, si vous voulez, ils n'ont pas la même vie. Ce qui veut... Alors attention, hein, parce que j'ai toujours peur quand on fait ce genre de discours, que les gens s'imaginent que c'est la vie merveilleuse. Un esclave reste une chose, son maître peut tout de lui. Faut quand même le rappeler. Après, vous avez la familia rustica, et celle, c'est celle qui vit à la campagne. Et là, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas forcément la belle vie. Parce que là, eux, ils sont éloignés. Très éloignés, souvent, du maître, qui peut posséder plusieurs villas, plusieurs latifundia, plusieurs domaines. Voilà. Et possédant d'ailleurs des milliers d'esclaves. Et donc là, il est évident qu'il ne connaît pas ses esclaves. Ses esclaves ne sont là, cette fois-ci, véritablement qu'un moyen, que des outils sur deux pattes. Et les conditions vont se dégrader. Alors pourquoi elles vont se dégrader ? Ben, tout simplement parce que il va falloir les surveiller. Ils vont avoir donc des conditions de vie difficiles, et les gens qui vont les surveiller, il y a plusieurs strates. Il va y avoir les monitors, monitores. Le moniteur, avant d'être un moniteur de sport, c'est d'abord un surveillant d'esclaves. Et c'est Caton, oui, Caton qui, dans le De Agricultura, modélise ça. Et comme Caton, en plus, Caton l'Ancien, avait un aura pour beaucoup de Romains, donc ce que faisait Caton était quasiment parole de Bible, et donc ils vont reproduire son schéma. Et pour Caton, il faut, si mes souvenirs sont bons, il faut 10 esclaves pour 25 hectares, à peu près. Et donc, si vous faites 1000 hectares, 1000 hectares, pour une latifundia, c'est pas grand-chose, ça fait 400 esclaves. Ces 400 esclaves, il faut, selon Caton, pour 10 esclaves, il faut un surveillant. Donc si vous avez 400 esclaves, vous en avez 40 de surveillants. Mais ces surveillants sont aussi des esclaves. Ils ont au-dessus d'eux le willicus, qui peut être très souvent un affranchi, mais qui peut être aussi également un esclave. Sauf que c'est l'esclave qui commande des esclaves qui commandent des esclaves. Et donc, dans ces cas-là, quand le statut est le même, mais qu'en fait, seul, on va dire, le poste diffère, on a tendance à être un peu plus sévère et un peu plus dur. Et puis, si on doit donner 300 grammes de céréales par jour, on va en donner 200. Et si on doit donner deux tuniques par an, on va en donner qu'une. Ils vont grappiller. Et donc les conditions de vie vont se dégrader. Et on a des exemples de ça, et justement de conditions de vie vraiment dégradées de manière ultime, qui vont générer des révoltes d'ailleurs. Ou des assassinats, tout simplement, parce que on parle des révoltes parce que c'est comme l'explosion volcanique, mais voilà, il y a aussi des petits séismes. Éric Darce, on imagine que le monde esclave est un monde qui va s'accroissant à mesure de l'extension même des territoires, du territoire de Rome. A-t-on idée, numériquement, de ce que ça représente au point de vue population? Alors, c'est la grande question, parce que bien sûr, évidemment, il y a des modélisations qui sont faites. Alors, l'avantage de Rome sur pas mal d'autres civilisations, c'est qu'ils faisaient un recensement. Le seul problème, c'est qu'ils faisaient un recensement des citoyens, pas des esclaves. Donc, on a des informations, on va dire, très parcellaires. On pense que sous... alors, l'estimation faite, et ce sont des chiffres toujours généralistes, sous la période de l'empereur Trajan, on estime qu'il y a 400 000 esclaves à Rome même. Sachant que la ville, on l'estime entre 1 million et 1 200 000 à cette époque-là. Donc vous voyez que la part des esclaves est relativement importante. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup d'esclaves parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin d'esclaves à Rome. Donc est-ce qu'on peut appliquer, si vous voulez, ce pourcentage au reste de l'Empire? Rien n'est moins sûr. On sait par exemple qu'à Nîmes, il y a très peu d'économies serviles, il y a très peu d'esclaves. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, il y en a très peu. En tout cas, d'après les sources. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des régions avec très peu d'esclavage. Et c'est pas parce que les gens ont des idées philosophiques, hein, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, ils ont d'autres certains moyens. Il y a des régions où ils veulent en avoir beaucoup. Donc, c'est assez difficile. On va dire les estimations vont, pour les plus faibles, entre 10 et 20% de la population de l'Empire, et les plus catastrophiques, pratiquement la moitié, quoi. Éric Darce, les minutes passent toujours trop vite en compagnie de gens particulièrement passionnants. Aussi, il nous faut-il nous rabattre sur quelques littératures, peut-être? Auriez-vous quelques bons ouvrages de votre plume à nous conseiller? Alors, de ma plume, non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait surtout de la vulgarisation. Enfin, si, c'est des bons ouvrages, mais de vulgarisation. Bah alors, et je les ai fait avec mon ami Eric Tessier. On a écrit un des ouvrages à destination d'abord des enfants, mais en fait des enfants et des parents, c'est-à-dire que les deux puissent lire et expliquer le phénomène. Vous connaissez le titre de Fassbinder, même les nains ont commencé petits. Tout à fait, voilà. Et c'est exactement, ça a été en fait notre objectif, hein, c'est notre ligne de conduite permanente. Et en fait, on a écrit chez Actes Sud Junior les Romains un petit pas, qui raconte la vie quotidienne des Romains, et puis aussi justement sur les esclaves, sur les gladiateurs, sur des personnages célèbres comme Spartacus, et puis on a aussi écrit les Grecs à petits pas, et les pirates à petits pas. Voilà. Donc les pirates, c'était, voilà, on changeait de l'Antiquité, mais on trouvait que c'était intéressant de parler de la piraterie aussi. Parce que il y a aussi de la piraterie à l'époque antique. Notre épisode était intitulé « Statues et révoltes » avec l'enseignant en histoire et géographie Éric Darce. Demain, d'autres aspects de la vie romaine. Il sera notamment question de gladiateurs et de combats au cirque, mais également des sources qui permettent de les étudier et peut-être de mieux les comprendre en compagnie d'Éric Tessier. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la collaboration de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.